Allô Blockbuster, je vous appelle de la Norvège. Quel plaisir de vous écouter tous les jours en podcast. Aujourd'hui, l'émission sur Quentin Tarantino. On aime ou on n'aime pas. Moi, il y a des films que j'adore, Kill Bill, Boulevard de la Mort, d'autres avec lesquels j'ai beaucoup de mal, Les 8 Salopards. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Moi, je partage pas mal l'avis de l'auditeur qui est passé en fin d'émission sur le fait que Tarantino avait jamais vraiment réussi à dépasser ses trois premiers films. C'est un excellent dialoguiste, c'est un excellent directeur-directeur, c'est un très bon metteur en scène. Mais pour raconter une histoire dans la longueur, sur plus de 2 heures, il accumule des scènes qui sont très très bien foutues, mais il a du mal à donner de la cohérence à tout ça. Pourquoi les trois premiers films sont échappés à cet écueil? Je pense que le premier, il a fait quelque chose de plutôt simple avec une unité de temps, de lieu, d'action, qui fait que voilà, il a réussi à faire un truc qui se tient sur un temps assez court. Le deuxième, il l'a coécrit avec un pote, Roger Avary, qui, à mon avis, a pas mal contribué à la cohérence de l'ensemble. Et le troisième, il a adapté d'un bouquin d'Elmore Leonard. Donc, je pense qu'il avait déjà le canevas sous les yeux. Depuis, effectivement, il a tendance à faire des films pour faire plaisir avec des scènes un peu gore ou des scènes bien foutues ou bien dialoguées. Mais par contre, ben, il se perd un peu au niveau de ses histoires. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, je vais pas non plus cracher dans la soupe parce que Tarantino, sans lui, je serais pas cinéphile comme je le suis aujourd'hui. Mais il faut tuer le père à un moment. Voilà, c'est comme lui, il l'a fait aussi avec Godard. C'est comme ça. Salut, c'est Benoît. J'écoute sur la route l'émission sur Tarantino. Et là, il y a un aparté sur la soupe aux choux. Et je pense que ça mérite une émission. Parce que franchement, Louis de Funès. C'est un blockbuster! Exactement. Salut et merci pour l'émission. Bisous! Ouais, salut Fred. Ben, c'est pour dire que la soupe aux choux, quand même, c'est adapté de René Fallet, quoi. C'est quand même un classique. Ce serait bien de faire une émission d'ailleurs sur Louis de Funès, en fait, à faire. Mais surtout une émission sur Arte et Cœur à Vif, un de ces quatre. Ce serait bien. Allez, ciao. Pour la soupe aux choux, fallait. Ou fallait pas. Oui, Blockbuster, c'est encore la Norvège. Je rappelle pour vous remercier de la diversité des sujets abordés, que ce soit littérature, chansons, séries, cinéma. C'est vraiment un grand plaisir. Et cette culture populaire et geek, j'en suis trop fière. Et j'ai grave kiffé l'émission sur le Chevalier du Zodiaque. Allez, salut! Ça ne se voit peut-être pas comme ça si vous écoutez mes chroniques régulièrement, mais je suis hyper fleur bleue. Moi, les histoires ultra classiques d'un homme qui rencontre une femme ou un homme ou vice-versa et qui tombe follement amoureux, ça marche toujours autant sur moi. Un jour sans fin, le film d'Ivan Reitman avec Bill Murray et Andy McDowell, c'est ma comédie romantique préférée. Dans le dessin animé Là-haut de Pixar, la scène d'ouverture, où on voit en un montage rapide toute la vie d'un couple, ça me met dans un état. Là où l'époque est à l'accumulation de partenaires via Tinder, Grindr, Hoover ou Blender, moi je reste plus touché par les petits gestes tendres ou de complicité d'un couple aux cheveux blancs qui a 40 ou 50 années de vie commune derrière lui. Que voulez-vous, je suis resté vieux jeu sur ces choses-là. Mais même si j'ai toujours cru à l'amour, je vais être franc avec vous, l'amour a mis du temps à croire en moi. Sentimentalement, à l'adolescence, je me suis pris de ces vents. Tu faisais marcher tout un pays à l'éolien avec ma vie sentimentale. Et quand t'es ado, t'as toujours un adulte qui essaie de relativiser ta tristesse. Oh, mais t'inquiète pas, avec le temps, t'oublieras. T'es gentil, mec, mais dans la vie, tu peux pas faire avance rapide et sauter au passage les plus réussis de ton existence. T'es obligé de tout vivre. Heureusement, dans ces moments, il y a les chansons d'amour. De la mélancolie traduite en paroles et en musique. Et moi, à l'adolescence, j'en ai écouté des chouineurs musicaux, les Boys to Men, les Poetic Lovers, Bryan Adams. Mais celle qui m'a toujours filé les poils, celle qui remplaçait la tristesse de mes déboires sentimentaux par la sienne, c'est cette diva des années 80, la seule et unique Whitney Houston. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Logiquement, à ce stade de l'émission, on a tous perdu quelques dixièmes à l'oreille gauche. Beyoncé, Rihanna, Alicia Keys, autant de chanteuses qui doivent toutes quelque chose à Whitney Houston, artiste féminine ayant été le plus récompensée, mais aussi une de celles qui a vendu le plus d'albums au monde. Un regard distrait aurait pu nous faire penser que la vie de Whitney Houston était un véritable conte de fées. Chanteuse à succès, mannequin, actrice, tout semblait lui réussir. Pourtant, l'histoire de Whitney Houston, c'est aussi l'histoire de la toxicité d'un entourage. Père, frère, mari, autant d'handicaps qui auront eu raison d'une des plus belles voix du XXe siècle. Et pour revenir sur le destin tragique de cette diva de la soul, j'ai avec moi Sophie Perard. Bonjour. Bonjour. Auteure et réalisatrice de documentaires, vous avez réalisé le documentaire Diva des années 90 qui a été récemment diffusé sur Arte. Tout à fait. Également avec nous, un ami, un grand amateur de musique et présentateur télé, Sébastien Follin, bonjour. Bonjour. Vous animez notamment l'émission Acoustique tous les samedis sur TV5 Monde. Tout à fait. Également avec nous Sophie Rosemont, bonjour. Bonjour. Journaliste musicale pour Rolling Stone, Les Un Rock, Glamour, et vous venez de publier le livre Girls Rock aux éditions du Nil. Tout à fait. Alors ensemble, on retracera le parcours de cette incroyable chanteuse, de son enfance dans le New Jersey au faste de Beverly Hills, sur son impact sur la musique noire de ses années Reagan. On reviendra également sur l'histoire de cette famille, qui l'a accompagnée tout au long de sa carrière, mais aussi sur son mariage tragique avec le rappeur Bobby Brown. On parlera bien évidemment du film Bodyguard, on peut pas passer à côté, hein. Film à la genèse maudite, mais à la bande-son connue de tous. Aujourd'hui dans Blockbuster, on écoute celle que l'on appelait tout simplement et très humblement The Voice, Whitney Houston. Bérard, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui était Whitney Houston ? Alors, vaste question. Pour commencer, je dirais que Whitney a vraiment apporté quelque chose à la musique pop, une façon de chanter qui n'existait pas jusque-là dans la musique pop. C'est-à-dire que Whitney vient du gospel et elle a amené ce qu'on appelle le mélisme. C'est cette technique vocale qui fait qu'on accumule plusieurs notes sur une même syllabe. Si vous pensez à la phrase, par exemple, de I will always love you, si on pense au I et au you dans la façon dont elle chante, on voit cette dégringolade de notes sur la même syllabe. Voilà. Ça n'existait pas dans la pop. Donc, elle a vraiment apporté quelque chose de nouveau sur un standard de 3 minutes 30, le standard de la musique pop. Donc, elle a ouvert une façon de chanter à un public plus large. À l'époque où elle est apparue sur les ondes FN, FM. Oui, tout à fait. Elle était tout à fait à sa place. Je voulais effectivement parler de la réception par le public blanc, mais je pensais pas qu'on serait directement dans le sujet comme ça. À FM. L'époque, il y avait pas beaucoup d'ondes. FM. Sur les ondes FM américaines, c'était quoi le profil type de la chanteuse à l'époque? Sébastien, les années 80, oui. Il y avait, c'est vrai que il y avait toutes les artistes américaines qui allaient de la country avec les Dolly Parton jusqu'aux rockeuses, folk, et puis surtout il y avait des univers très séparés. Il y avait le R&B d'un côté, il y avait le classement Billboard R&B. De temps en temps, certains artistes arrivaient en étant dans le R&B à venir dans le pop. Évidemment, Michael l'a fait de nombreuses fois, James Brown l'a fait de nombreuses fois, mais c'est vrai que c'est peut-être l'une des toutes premières. Mais d'ailleurs, je cite Prince, enfin je parle de Michael Jackson. Prince, elle est un petit peu dans ce côté précurseur. Est-ce que c'est précurseur en féminin aussi ? Précurseuse. On peut faire des fautes orthographes, on a le droit. Voilà. En tout cas, elle fait partie de ces quelques avant-gardistes, merci, à avoir réussi à faire des ponts comme Sly and the Family Stone l'avait fait dans les années 70, ou comme Funkadelic l'a fait également. Il y a pas mal de monde qui l'a fait dans la soul en mélangeant le rock, mais ce pas vers la pop, comme l'a fait Michael Jackson, comme l'a fait Prince, Whitney en fait partie. Whitney est la première femme, pardon, à avoir fait ce crossover. Là où il y avait Prince et Michael avant, Whitney, c'est une femme. Donc c'est elle qui fait ce crossover. Même si Diana Ross avait été effectivement... Enfin, il y a eu Diana Ross avant, mais qui avait été coincée par plein de choses. D'ailleurs aussi par une masculinité un peu toxique, notamment la figure de Mary Jordy de la Motown. Mais il est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 80, on avait quand même quelque chose de très... De très blanc, de très aseptisé, où évidemment, comme le disait Sébastien, tout était hyper cloisonné, et la pop avait rarement été aussi peu hybride, alors qu'elle avait été quand même dans les années 60 et 70, et les années 80, il y avait une espèce de recul, et c'est vrai que Whitney a apporté une espèce de vent d'air frais, ou brûlant d'ailleurs, ça dépend de quel point de vue on se place, dans ces classements-là. Et Sophie Rosemont, la mère de Whitney Houston, était déjà une chanteuse avec une petite notoriété. Ah oui, Cecily Houston, oui, elle a chanté depuis toute petite. De toute façon, c'est une famille de musiciens, hein, c'est une famille de musiciens et musiciennes. D'ailleurs, les femmes avaient quand même leur, on va dire leur voix, leur mot à dire, leurs chansons à chanter depuis très longtemps. Et les cousines, les grandes cousines, c'était Didi et Dionne Warwick. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très artistique dans cette famille. Et Cici Houston, c'est elle qui a fait chanter sa fille pour la première fois. Elle lui a demandé de la remplacer sur scène quand Whitney avait, je crois, 15 ou 16 ans. Elle était vraiment ado et très jeune. Donc oui, elle est allée à la bonne école, sachant que comme beaucoup d'artistes, elle a commencé à faire ses voix dans la meilleure école du monde, qui est l'église. D'ailleurs, les plus grands chanteurs qu'on connaît, rares sont ceux qui n'ont pas... fait leur premier chant à l'église. Et elle est chantée tous les dimanches à l'église, Whitney Houston, avec sa mère, avec sa famille. Elle était dans la chorale et je pense que tout le monde s'est aperçu très vite qu'elle avait quand même un potentiel assez extraordinaire. C'est un profil qui ressemble un petit peu à celui de Beyoncé aujourd'hui. D'ailleurs, Beyoncé a dit qu'elle se revendiquait énormément de l'histoire de Whitney Houston et de ce qu'elle avait vécu. Alors peut-être qu'elle l'a fait parce que c'était le moment de son enterrement. Avec un contrôle quand même beaucoup plus fort chez les parents de Beyoncé et de Solange aussi, du coup, parce que c'est vrai que Solange devient de plus en plus importante. Contrôle quand même vraiment tout ce qui se passe chez leurs enfants. Ce qui finalement n'était pas le cas des parents de Whitney, de Cici et donc le père Houston, parce qu'ils l'ont laissé aller en roue libre et dès le début, même s'ils avaient envie qu'elle réussisse, il y avait quand même quelque chose, une espèce de lâcher prise, mais qui était aussi, qui allait aussi avec l'époque. Les parents Knowles ont toujours fait hyper gaffe, avaient quand même une idée, je dirais pas marketée, mais de la carrière que pouvaient faire les filles. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui on a une appréhension de tout ça beaucoup plus aiguë, contrôlée, beaucoup plus aiguë. C'est-à-dire que là maintenant, les mecs ils s'attaquent, ils ont un plan de carrière quoi. À l'époque, les années 80, tout était possible. D'abord, il faut quand même se repositionner dans ce qu'était l'industrie du disque à l'époque. C'était open bar, c'est-à-dire qu'il y avait du pognon, mais ça coulait à flot. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc, c'est comme Radio France. Oui, c'est un peu comme partout de toute façon, mais c'est vrai que l'industrie du disque, ça a un sens de dire ça, l'industrie du disque, les années 80, et on parle du marché américain, 350 millions de personnes potentielles comme clients, donc dès lors qu'on arrivait à mettre un pied dans la porte et à placer un titre, la vie changeait de manière radicale, donc... Les parents de Whitney Houston ont vécu ça, mais comme certainement une réussite personnelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a vu après, Whitney est devenue aussi l'outil de leur réussite à eux. Et ils s'en sont servis. Et toute la famille a mangé sur la bête, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Vous pouvez. On va continuer de parler de Whitney Houston dans un instant, mais pour le moment, si on l'écoutait chanter. Clock strikes upon the C'était I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston dans Blockbuster sur France Inter. Nous sommes toujours avec Sophie Pérard, Sophie Rosemont et Sébastien Follin pour parler de... Appelez-moi Sophie aussi. Sophie Follin. Ouais, ça me bonjour marche. Sophie. Salut. Alors, tout à l'heure, on évoquait l'enfance de Whitney Houston, mais il y a un drame qu'elle a vécu, auquel on n'a pas fait allusion, mais elle aurait été malheureusement victime d'un abus. Sophie Rosemont. Oui, c'est ce que raconte son frère et un autre témoin dans le documentaire de Kevin MacDonald. Elle aurait été victime d'abus sexuels par Didi Warwick, en fait. Donc sa grande cousine, Sophie, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Oui. Et son frère aussi en aurait été victime, oui. Et c'est quelque chose qu'elle a porté toute sa vie sans en parler, et encore moins à sa mère, évidemment, que ça aurait sans doute... Et d'ailleurs, il y avait aussi cette idée de bisexualité très très forte chez Whitney Houston, et qui était complètement mais inhibée par sa mère, qui ne voulait absolument pas reconnaître ça chez sa fille. Ah bah, de toute façon, c'était quand même très compliqué à l'époque, ça faisait beaucoup trop pour la famille, ça on va dire. Toujours, hein. Mais je pense même que Whitney Houston, c'était une lesbienne contrariée. Elle s'est mariée avec Bobby Brown pour plein de raisons, mais pas les bonnes, manifestement. Et le grand amour de sa vie, c'était Randy, la femme avec qui elle a vécu une liaison pendant de très longues années, avec qui elle est devenue amie après et dont elle était très proche. Randy ou Robin Robin Crawford. Robin Crawford. Qui a travaillé avec elle longtemps, qui était vraiment la personne un petit peu star. table vers laquelle elle allait quand ça n'allait pas. Et qui, quand il y a eu les problèmes avec son mari, donc Bobby Brown, il y avait une espèce de rivalité entre les deux. Bobby Brown ne supportait pas que Robin soit si proche de Whitney, la famille non plus d'ailleurs. Et donc, à un moment, ils l'ont complètement évincé. Et c'est là que la carrière de Whitney a plongé. Ouais. Mais c'est surréaliste, parce que quand on regarde sa vie, c'est quand même une succession, mais d'horreur. Enfin, on a l'impression que c'est un film de Lars von Trier, quoi. C'est terrible. C'est ses frères qui l'ont initié à la drogue, quand elle avait 16 ans. Bah oui. Oui, il le dit dans le documentaire. Question qu'elle ne traîne pas dans la rue et que ce soit pas n'importe qui lui donne de la drogue, autant lui faire goûter nous-mêmes. Voilà. C'est une façon d'élever les gens. Oui, après, comme elle le disait elle-même, elle venait du ghetto. C'est elle qui le dit. Et son environnement, je pense, social, faisait que c'était peut-être quelque chose qui était facilement, peut-être pas accepté, mais bon, c'est quelque chose qu'on faisait quand on était ado, on essayait la drogue, voilà. Sauf que ça a mal tourné et qu'il y a eu une dépendance qui s'est créée. Oui. Et l'importance de l'entourage, on revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que sa vie a changé du tout au tout dès lors qu'elle a sorti son premier album et qu'elle a été propulsée en tête de tous les tops, puisque là, d'un seul coup, c'était l'argent qui coulait à flot. Si à 18, 19 ans, t'as pas autour de toi des gens qui te ramènent et qui te mettent les pieds sur terre, mais au contraire, eux aussi ont le sentiment d'avoir gagné au loto, c'est fini. Tu perds pied avec la réalité. Replacez-vous, quand vous aviez 20 ans, Frédéric Sigrist, voilà. Les outrances que l'on peut faire. Je me rappelle, moi, j'ai été nommé responsable d'équipe chez McDonald's. Et c'est vrai que j'ai eu un moment où je sentais je me sentais plus pisser. Ah bah c'est sûr que là c'était Big Mac à volonté. Oh là, hein. Des fois je prenais une grande frite et tout. J'étais un gueudin, moi. Voire deux en même temps. Deux en même temps. Non mais blague à part, s'il n'y a pas un environnement familial très stable, si vous n'êtes pas entouré, si vous n'êtes entouré que de fans et que de gens qui vous trouvent formidables et qui vont dans votre sens, à un moment donné, les choses ne peuvent que déraper. Je pense que c'est le début de ce qui s'est passé, puisque tout le monde a vu une aubaine aussi. Malgré le fait que, je pense, que, enfin, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le documentaire de Kevin MacDonald, où il y a des témoignages quand même extrêmement puissants, où il y a quand même beaucoup de regrets de la part des frères, de la famille et tout, parce que ça n'empêche pas qu'il y ait pu y avoir de l'amour, mais c'est juste grisé par ce qui se passait à ce moment-là. Et puis après, avec les addictions, ils ont été dépassés par ce qui se passait, je pense. Il y en avait certains qui étaient toxiques, et il y avait une vraie méchanceté, le père, enfin voilà. Le père était exemple. Une méchanceté totale. Mais je pense que les frères, c'est pas du tout ça. Les frères, ils sont laissés déborder. C'était des pauvres types qui se sont retrouvés là, ils servaient à rien. Et qui avaient le même âge qu'elle, et puis voilà. Et qui sont fait les embaucher, voilà. C'était le tiroir caisse. Le père, de toute façon, il était véreux, égoïste, il pensait qu'à lui. La mère était aux fraises. Je l'aime pas du tout. C'est vraiment la figure patriarcale toxique dans toute sa splendeur. Voilà, qui donne que des mauvais exemples, qui se comportait très mal avec la mère aussi, très mal aussi dans ses activités politiques et sociales, enfin vraiment, pas un mec bien. Je rappelle que durant tout cet été, via notre répondeur, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Whitney Houston. Est-ce que Whitney Houston était une artiste singulière ou c'était vraiment un produit? Les deux. C'est-à-dire que c'était une voix exceptionnelle. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup comme ça. C'est pas, là, j'utilise pas. Aujourd'hui, on a tendance à sortir des superlatifs. Il y a un Marvin Gaye qui sort tous les jours. Il y a le nouveau. Tout le monde est génie. Non, Whitney Houston, c'est une voix comme on n'en a pas eu beaucoup dans l'histoire de la musique. Après, c'était un produit. Elle faisait une pop variété qu'on peut aimer ou pas aimer. Enfin voilà, mais ça. Moi, il y a des chansons de Whitney que j'adore, certaines moins. Mais après, on peut y mettre du snobisme. Enfin voilà, on peut à la fois aimer des chansons de Whitney Houston, les Beatles, écouter du Frank Zappa et puis du Miles Davis. Enfin, ça ne me semble pas antinomique. C'est au contraire. Et d'ailleurs, à propos de formatage, est-ce qu'on a un petit peu gommé son côté noir, justement? Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent chez les chanteuses de soul, où qu'on a tendance un petit peu, entre guillemets, à blanchir pour qu'elles plaisent au plus grand nombre. Mmh. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vécu? Pour Whitney, oui. Oui. Bah, Arista, c'était un des mots d'ordre d'Arista. Il voulait absolument la dépouiller de toutes ses racines black music dans lesquelles elle a baigné quand même. Et il voulait vraiment en faire une icône pop. Je crois que c'est l'un des dirigeants d'Arista qui disait on veut pas une James Brown au féminin. Justement, il voulait sortir de toutes ces icônes qu'il y avait eu par le passé, Gloria Gaynor, etc. Donc, il voulait vraiment une icône pop, genre une autre Madonna. Voilà. Donc oui, il y a eu une stratégie. très très huilé pour ce faire. Et c'est assez dommage, je trouve, qu'elle ait été autant critiquée, qu'elle ait été surnommée Whitey par le révérend Al Sharpton, qui n'avait pas la langue dans sa poche. C'est oublié quand même qu'elle a été très très militante contre l'apartheid, qu'elle a joué en l'honneur de Nelson Mandela. Voilà, enfin, même si sa relation était sans doute très compliquée par rapport à ses origines, mais je pense pas seulement par rapport à la couleur de peau, par rapport aussi tout simplement à la classe sociale. Où, dès son enfance, c'était très compliqué aller dans une très bonne école avec des bourgeois blancs, venir du ghetto, comme le disait Sophie plus tôt. C'était compliqué à gérer. Et on a rajouté là-dessus des désirata de label qui voulaient vraiment empocher des millions, ce qui a été le cas. Finalement, ça a été une bonne stratégie, mais elle s'est perdue dedans. Il y a notamment l'épisode de Soul Train, l'émission phare de la culture musicale afro-américaine, où elle se fait huer. Ouais, ouais. Et c'est Bobby Brown, présent durant cette soirée, qui la réconforte. Donc comment ça se fait? Comment on explique aussi que même la communauté noire, à un moment donné, alors que pourtant c'était déjà une star, s'est fédérée comme ça contre elle en disant « mais non, on ne te reconnaît pas de talent, tu es pas partie des nôtres ». Mais pour la communauté noire, je pense que le fait qu'elle utilise cette façon de chanter, donc pour faire court, qu'elle fasse des vibes qui vient vraiment du gospel, qu'elle utilise ça avec un package très pop, très blanc, ça a coincé. En plus, c'est vrai qu'elle avait cette image de petite fille parfaite de l'Amérique, très bien habillée, très polie, comme le disait Sophie, qui a fait les bonnes études et qui était assez claire de peau. Ça posait un problème. C'est comme si elle avait dénaturé peut-être la vibe soul ou gospel qui appartenait, qui vient de plutôt de la communauté afro-américaine. Et voilà, il y a eu quelque chose là qui est pas passé pour cette communauté. C'est pour ça qu'elle a été huée en 89, comme vous disiez, au moment des Soul Music Awards. Sébastien, mais ça dit quelque chose de l'époque aussi aux États-Unis. Je sais pas si c'est, je suis pas un grand américaniste. Enfin, je connais pas bien l'histoire des États-Unis, mais ça dit aussi quelque chose de l'époque. Quand on voit le reproche qui est fait aujourd'hui à Beyoncé, Beyoncé ne se fait plus du tout huer, alors qu'elle se lisse les cheveux, qu'on peut l'éclaircir dans certains magazines. Voilà, c'est peut-être que les objectifs marketing vus d'un point de vue purement économique, même avec un petit peu de cynisme, on peut le dire, par les gens des maisons de disques, ça n'est pas passé à ce moment-là. Et petit à petit, les choses se sont un peu détendues. Oui. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne, alors que ça pourrait être aussi choquant, non pas de prendre une artiste noire américaine pour chanter de la musique pour tout le monde. Ça, il n'y a rien de choquant. C'est même les choses qui ont toujours été faites. En revanche, voir qu'on puisse éclaircir la peau de quelqu'un à Photoshop pour la rendre un peu plus bankable auprès du plus grand nombre, forcer au lissage des cheveux, c'est des grandes questions qui se posent quand même actuellement. Ça, c'est peut-être presque plus choquant. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu Whitney Houston. De toute façon, la technologie n'existait pas à l'époque sur des photos où on ait pu blanchir sa peau. La chanson que vous avez diffusée tout à l'heure, I Wanna Dance, je me rappelle de la pochette de l'album où elle était avec ses cheveux bouclés. Une coupe afro, oui. Voilà, il n'y avait pas ce déni, et on ne reniait pas ses origines physiquement, alors qu'aujourd'hui, une espèce d'uniformité qui est proposée au niveau iconographique et qui, je trouve, est beaucoup plus choquante. Mais pour Beyoncé, il y a aussi un discours, c'est-à-dire qu'elle rattrape tout ça avec... elle a sauté dans le train du Black Lives Matter, à fond, avec Jay-Z, les clips autour de ça, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment réveillée, on va dire, sur sa conscience afro-américaine. Là-dessus, d'ailleurs, elle emboîtait pas à sa sœur Solange, qui le faisait bien avant. Et je crois qu'effectivement, Sébastien a raison, il y a quelque chose autour du climat de l'époque. C'est-à-dire qu'on est en 89, trois ans plus tard, il y a les émeutes de Los Angeles qui ont été d'une violence extrême. Voilà, Rodney King, évidemment. Il y a des artistes peintes comme Kerry James Marshall qui ont commencé vraiment à exploser, à faire entendre leur art à ce moment-là, qui dénonçaient ces violences inouïes. Et c'était quand même très tendu, donc... En gros, tout le monde était assez, on va dire, irascible. Certains étaient extrêmement prudents, voulant aller dans une voie angélique. Et d'autres étaient, s'en sont pris à Whitney, alors que c'était pas... En fait, elle a cristallisé beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre. Une fois encore, victime là-dessus. Alors, je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment? Alors, moi, je suis un expert capillaire, surtout. On va voir ça, Sébastien. Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. C'est très difficile à dire, donc je vais le refaire. Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. J'aime beaucoup dire cette phrase, donc je vais la dire une troisième fois. C'est le moment du détecteur de mensonges. Et c'est très très lassant comme habitude, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant Whitney Houston. Saurez-vous y répondre? Question numéro 1. James Brown a fait de la prison. Ouais. Bobby Brown a fait de la prison. Chris Brown a fait de la prison. Est-ce que Snoopy doit se méfier de Charlie Brown? Ah, c'est une excellente question. Je pense que oui. En effet, je pense que Snoopy. Mais c'est Snoopy qui va faire de la prison, ou c'est Charlie Brown? Charlie Brown. J'ai pas compris la question. C'est Charlie Brown. Ah oui, parce que James Brown. Oui. Ok. Ah oui, on sent quand même. Ah bah ça a travaillé. Hein. Il y a du niveau dans cette question. Ah, mais attendez, ce n'est pas fini. C'est qu'un début. France Inter. L'été donc. Non, non, mais même le restant de l'année. Hein, c'est juste qu'il faut savoir quelle émission écouter. Bodyguard raconte l'histoire d'amour d'un garde du corps et de la personne qui le protège. Vous trouvez pas ça étrange de faire un film comme ça si longtemps avant l'affaire Benalla? Sophie Rosemont, je reste sans voix. Moi, je pensais qu'on allait me poser une question sur Kevin Costner. Mais ça viendrait après. Mais... Non, je trouve pas ça étrange. Un remake comme ça avec Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Moi, je dis bon. On a encore parlé d'eux. Non, c'est pas possible. Non, en fait, je peux même pas. Je ne peux même pas. Là, toutes mes neurones sont fermées, mes yeux aussi. Là, autour de la table, je crois qu'on est tout. Non, on ne peut pas. Non. Et Snoopy dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ben ça, c'est toujours la question. Et qui va protéger Snoopy face à Charlie Brown? Dernière question. Whitney Houston est morte dans sa baignoire. Jim Morrison est mort dans sa baignoire. Non, il est mort avant. Excusez-moi, mais avant la baignoire. Ah, il est mort dans les. A priori, il est mort dans les toilettes. Hein. Bon, ok. Alors, Claude François est mort dans sa baignoire. Ça va, Claude François? Oui, ça, c'est sûr. Il est mort dans sa baignoire. Ou là aussi. Désolé, je suis très experte en Jim Morrison. D'accord. Mais est-ce qu'il est mort debout dans la baignoire ou allongé dans la baignoire? Non, bientôt, vous allez terminer en disant est-ce qu'il est mort? Oui, on se pose la question. Jim Morrison n'est pas mort. Mara est mort dans sa baignoire. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire que les douches, c'est mieux pour la planète, mais aussi pour l'espérance de vie? De toute façon, c'est mieux pour la planète, c'est sûr. Voilà. Et pour dire un truc utile, faites pipi sous la douche, ça économisera une chasse d'eau. Et bah voilà, je savais qu'au bout d'un moment, j'allais tirer des informations intéressantes. Ah non, mais c'est... Bah oui, voilà. Allez, tout de suite maintenant, on écoute Aimé Césaire de Jojoa et Lieutenant Nicholson. Cette émission est réalisée par la diva de la console, Céline Hila, à la programmation musicale, Muriel Pérez. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mancip ont préparé cette émission et à la technique aujourd'hui, Guillaume Roux. Je n'ai pas prévu de rapper plus. chopé. Je me suis mis à rapper, à chipper, à choper. Je me suis remis à choper. C'était Aimé Césaire de Jojoa et lieutenant Nicholson. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster. Sur France Inter. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I vous avez bien évidemment reconnu, c'est un extrait de la bande originale du film Bodyguard. Sébastien Follin. Non mais après avoir entendu ça, qui peut dire qu'elle ne sait pas chanter ? C'est d'abord, j'ai pas souvenir dans l'histoire de la musique d'un tube de ce niveau-là qui commence a cappella, commence quand même 30 secondes a cappella. Et ça a l'air simple déjà, rien que le début a cappella, c'est super technique. Alors la musique c'est subjectif. Tu peux aimer, tu peux pas aimer. Mais tu peux pas dire que la nana sait pas chanter, quoi. C'est un truc de dingue. Rien que cette intro, c'est... On aurait pu la faire entièrement a cappella, mais tellement elle est dingue. Et c'est vrai que Dieu sait que j'aime Dolly Parton, mais la version donc originale, qui est celle de Dolly Parton, n'est pas à ce niveau-là. Oui, parce que Sophie Rosemont, il faut le rappeler, c'est une reprise. Oui, une reprise de Dolly Parton, une sacrée femme de tempérament, une countrywoman, businesswoman, hyper féministe. Ça, on se rend pas compte parce que Dolly Parton, on se dit les boucles blondes, les décolletés plongeants, etc. Mais non, une sacrée, sacrée bonne femme. Et elle, qui avait écrit en fait ce titre pour... l'homme avec lequel elle partageait non pas sa vie mais les studios, les émissions. Et au bout de 7 ans, bon, elle voyait au service, elle a voulu vraiment exister par elle-même artistiquement. Elle lui a écrit « I will always love you ». Et Whitney voilà, l'a repris avec... là, pour le coup, elle a complètement éclipsé l'original. Alors, Whitney Houston a vendu des millions d'albums. Bodyguard est un film que tout le monde connaît. Mais est-ce qu'au Dieu du monde, Whitney Houston est une grande artiste et Bodyguard un grand film ? Ah, y a débat, hein. C'est la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas. À quoi elle sert, Whitney Houston ? Le pape est plus utile. Les chansons sont complètement nulles. Dans l'actualité de ce dimanche, la mort de l'une des plus grandes chanteuses de pop music, Whitney Houston. C'est tragique pour cette fille, mais voilà, il ne faut pas non plus la représenter comme une grande chanteuse soul, quoi. Grande chanteuse de variété internationale, oui, pourquoi pas, pour ceux qui aiment, mais... Voilà, c'était quand même atroce, Whitney Houston. Whitney Houston, femme tragique, actrice risible et chanteuse technique, athlétique plus qu'expressive, celle qui contribua à rapprocher la soul music de la soupe musique est responsable de beaucoup de chanteuses à gorge déployée, popularisées par les concours d'amidales de la télé-réalité. Vous avez aimé ? Non. Merci. J'aime pas, j'aime pas. qui aide bien avec cette rubrique, c'est que chaque jour, je me rends compte qu'en France, on a quand même un art consommé pour vraiment ramener les gens, mais plus bactères quand on n'aime pas. C'est d'une violence incroyable. Ce qui a été dit sur elle, sur le côté souple, même sur ses qualités d'actrice. D'ailleurs, dans la genèse du film Bodyguard, il y a eu énormément de tensions entre Kevin Costner et Whitney Houston. Non. Tension sexuelle, vous voulez dire? Bah, logiquement, vous savez, c'est le principe, je balance quelque chose, vous rebondissez dessus, et puis vous amenez une anecdote, ou pas. Vous pouvez aussi me laisser ramer comme ça pendant très longtemps. Ça, l'auditeur dit, ah, c'est bien, il est dans la merde, c'est bien fait pour lui. Bon, visiblement, elle débordait de drogue, et ouais. Ça n'a pas été simple. Et puis, là, on a quand même 92, deux super, super, super stars dans leur domaine. Elle, dans la chanson, lui, dans le cinéma. Kevin Costner. Juste après Danse avec les loups, si j'ai pas dit exactement. Oui. C'est avant qu'ils boivent le bouillon avec Waterworld, oui, ou c'est juste entre les deux. C'est le mec, il est intouchable. Et c'est vrai que c'est une superstar. Il y a eu Robin des Bois, juste avant, avec aussi une grande chanson, quand même, de Bryan Adams. Et donc, il arrive là, lui, auréolé de son statut de superstar, mais d'un cinéma très populaire. Mmh. Et elle, superstar de la chanson. Donc, les deux, déjà, à mon avis, touchent plus terre. Rajoute à ça un petit peu d'ego et un peu de drogue. Ça donne un mélange explosif. Mais c'est quand même lui qui l'a imposé dans ce rôle, parce que c'était pas évident que ce soit une actrice, enfin une chanteuse, donc pas actrice, mais en tout cas une afro-américaine qui ait ce rôle. Et il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ce baiser interracial, ouais. qui est resté quand même dans l'histoire. Et c'est des personnalités très fortes, mais c'était quand même une rencontre qui a apporté quelque chose pour beaucoup de gens, je pense, à ce moment-là. Oui, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand il l'a imposé, il lui a demandé aussi de prendre des cours d'acting, des cours de jeu. Normal. Et voilà, ce qui est normal, ce qui lui a énormément déplu. Parce qu'elle a dit, si moi je dois apprendre à jouer la comédie, vous, Kevin Costner, vous devez apprendre à chanter. Et c'est ce qui a d'ailleurs ensuite expliqué que Kevin Costner a fait une carrière musicale, ouais, parce qu'il a appris à chanter. Ah bah ça, c'était pas la meilleure idée. Hein. On aurait pu s'en passer des bons conseils de Whitney Houston. Merci Whitney. Hein. Mais comment on explique il y a des films comme Dirty Dancing, Flashdance, qui jouissent d'une sorte d'aura incroyable. Et c'est générationnel. C'est juste qu'à ce moment-là, t'as quand même juste toute une génération qui va vers ces deux superstars. À l'époque, c'était quand même les mecs. Enfin, les deux étaient. Ils marchaient sur l'eau, quoi. Donc voilà, ça marque. Comme Pretty Woman, ça a marqué. Ou Ghost, qui est sorti à peu près à la même Ghost, époque, qui était énorme Dirty Dancing, en effet. Enfin ouais, voilà, t'as des petites Madeleines comme ça. Pour d'autres, un peu plus tôt, c'était Footloose. Il y avait American Graffiti. Enfin voilà, il y a tous ces trucs. Parce que c'est, en fin de compte, c'est quand même l'histoire. C'est une histoire très romantique, c'est une petite bleuette quand même. C'est voilà, complètement. Donc, tu tapes tout un public à ce moment-là pour revenir à la présentation du début qui se cherche un petit peu. Et d'ailleurs, vous vous êtes amusé sur Twitter à faire une remarque sur le film Bodyguard. Oui, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais bon, que j'ai revu et je me suis dit, ouais, quand même, ça a un peu vieilli. Donc je me suis amusé à faire un bon mot sur Twitter. J'ai regretté, je me suis défoncé, mais alors le truc, mais. Et ils ont eu raison. Parce qu'après tout, voilà, qui suis-je pour oser critiquer Bodyguard? Eh bien, non, je ne suis personne. Je laisse ça à Christophe Comte, qui se fait plaisir régulièrement. Oui, qui devait être de mauvaise humeur, parce que là, j'ai trouvé quand même très virulent envers cette pauvre Whitney. Vous l'avez pris à un mauvais moment. Vous l'avez pris à un mauvais moment. Et il y a une comédie musicale, désormais, Bodyguard, qui tourne... Ah oui, j'ai cru voir ça, oui. Par contre, là, ça m'a échappé. Elle est déjà passée à Paris ou pas? Non, je ne crois pas. Non, est-ce qu'on a vraiment très envie qu'elle passe, en fait? Non, pas vraiment, non. Non, on reste sur le film. Restons sur ce espèce de beau souvenir un peu ému. Voilà, il ne fallait pas le revoir, Sébastien. Non, mais je c'est pense ça. Que là, voilà, faut le laisser dans notre adolescence, notre début d'adolescence. Les émotions, les sentiments, ils se font un bisou, c'est super, il l'a sauvé, et puis voilà. I don't. des grandes compos quand même, hein. Parce que cette chanson-là, elle souffre un peu de ses arrangements années 90, mais tu mets un big band derrière. Ouais, mortel. Les cuivres, les incroyable, cordes. Incroyable, la mélodie est dingue. Et c'est vrai que t'as envie de l'entendre avec un orchestre, quoi, avec des instruments organiques. C'est des grandes chansons. Mais c'est puissant, hein. Non, mais couplet-refrain, c'est impeccable. Ce titre est l'un des meilleurs qu'elle ait fait. Et ben voilà, c'est pour tous les gens qui disent des vilaines choses dans l'émission, et puis en fait, ils savent pas écouter la musique. Bon, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, eh ben, on va écouter encore une fois Whitney Houston, When You Believe, avec Mariah Carey. C'était When You Believe, le duo entre Mariah Carey et Whitney Houston dans Blockbuster. Et maintenant, on va jouer. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Amadou au téléphone. Bonjour Amadou. Bonjour Frédéric, ça va? Oui, très bien, et vous? Ça va, c'est très chaud, mais ça va. Alors, vous êtes fan de Whitney Houston? Oui, je l'adore. C'est quoi le titre qui vous a marqué? Oh là là, j'en ai plein, mais spontanément, je dirais Your Love, My Love is Your Love, pardon. Ah oui, ah bah oui. Ah bah, il y a Sophie Rosemont qui est entièrement d'accord. Qui opine du chef, parce que depuis tout à l'heure, elle me dit: ah, mais vous allez pas passer My Love is Your Love? Voilà, donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Pour une prochaine émission sur Whitney Houston, on passera My Love is Your Love. Excellent. Menteur. Ne jamais croire ce genre de promesse, la promesse du 13 août qui ne sera jamais tenue. C'est Sébastien Follin autour de la table, voilà, qui vient de parler, mais il n'a pas de parole non plus. Alors, vous allez devoir répondre à 3 questions à Madou en 25 secondes chrono. D'accord. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Donc Sophie Pérard, Sophie Rosemont ou Sébastien Follin. C'est bon? D'accord. Eh bien, c'est parti. Si je vous donne le chiffre 6, est-ce que cela correspond, réponse A, au nombre de Grammy Awards que Whitney Houston a reçus durant sa carrière, réponse B, au nombre d'albums qu'elle a enregistrés, ou réponse C, au nombre de films dans lesquels elle a joué? 6. Nombre d'albums, nombre de Grammy Awards ou nombre de films? Nombre de films. Eh bien, vous êtes sûr? Oui. Eh bien, il fallait pas l'être. Non, parce que c'est une mauvaise réponse. Alors, est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Non. Ah non. On sent la non. confiance. Ok, très bien. On y va comme ça, hein, très bien. Mais c'est bien. Il assume ses erreurs. Hein, il y a des politiciens qui feraient bien de s'en inspirer. Donc, question suivante. Comment le père de Whitney Houston la surnommait-elle quand elle était enfant? The Voice. Non. Ah, c'est dur, hein. Ah, j'en connais un qui se dit: oh, j'aurais dû prendre le joker avant. Ou peut-être que là, c'est peut-être le moment de le prendre. Là, je crois que c'est le moment. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bah, je veux bien le prendre, du coup. Alors, pas moi, hein. Pas moi, qui vous voulez, mais pas moi. Alors, on va prendre le joker. Quel joker, s'il vous plaît? Vous pouvez me rappeler le nom des invités, déjà? Alors, Jean-Pierre Foucault, Michel Pérard, Drucker, Sophie Rosemont et Sébastien Follin. Bon, Sébastien Follin, bon, lui, il assume, donc c'est mort. Alors, Sophie Pérard, alors, bah... Sophie Rosemont. Oui, Sophie Rosemont, c'est ça? Oui, Sophie Rosemont. D'accord. Alors, je repose la question. Comment le père de Whitney Houston la surnommait-elle quand elle était enfant? Nippy. Oh là là, bonne réponse! L'énervée, là, voilà. Nippy, ça veut dire frisquée en anglais. Et son père la surnommait ainsi car quand elle était enfant, elle ne gardait jamais sa couverture les nuits d'hiver et son père était constamment en train de revenir la lui remettre sur le dos. Et plus tard, lorsque Whitney Houston a grandi, elle a réutilisé ce surnom pour sa propre entreprise, Nippy Inc. Bravo, Sophie. Bon, dernière question. Vous êtes prêt, Amadou? Vous êtes toujours là? Oui. Oui, un petit peu absent, mais quand même. On va diffuser un extrait, écoutez bien. Amadou, à qui correspond cette voix? À qui correspond la voix de la chanteuse que vous êtes en train d'écouter? Qui chante? Elle est très très proche de Whitney. Comment? Elle est très proche de Whitney. La mère de Whitney! C'est une bonne réponse d'Amadou! C'est formidable! Bravo Amadou, vous avez gagné le DVD du documentaire Whitney. Bravo à vous Amadou. Enfin, on en a un petit peu nous aussi quand même, parce que c'est, on l'a aidé. Oui, mais en même temps, vous avez déjà quand même un épanouissement professionnel et de tous les jours qui fait que vous n'avez pas besoin d'être récompensé encore plus que ça. Ah d'accord, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est service public. Bien, okay, 60 bien. Millions d'euros d'économie, okay. On d'accord, doit faire. Okay, hein, okay, c'est quand bien, même pas okay, rien, okay, non okay. Belle philosophie quand même, hein, c'est... Bravo. Merci beaucoup Amadou. Merci à vous Frédéric. Alors bon, même si effectivement il y avait Sébastien Follin avec qui j'ai énormément de différends, on a un passif mais que j'aime quand même de tout mon cœur. Ouais, je tiens à remercier tous mes invités, Sophie Perard, merci. Sophie Rosemont, Sébastien Follin, merci. Voilà d'avoir été avec nous pour évoquer Whitney Houston. Je le rappelle, mais est-ce vraiment utile de le faire? Mais vous pouvez quand même nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, Whitney Houston, et nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag Blockbuster EFI. Et on se retrouve demain pour parler histoire et jeux vidéo. On parlera d'Assassin's Creed.